Toujours en Corée, la ville portuaire de Wonsan abrite le Festival aérien d'amitié internationale de Wonsan 2017 à partir du 23 au 25 septembre. On projette d'y organiser la démonstration de pilotage des appareils militaires et civils, l'art de parachutage, le téléguidage d'aéromodèles, le vol de tourisme, etc. On prévoit également des activités culturelles variées, un séminaire sur le développement touristique de la zone touristique internationale Wonsan-Kumgangsan et le tourisme au massif Kumgang et au district du Kolmasi. Le festival contribuera à renforcer l'amitié et la solidarité, les échanges et la coopération entre les peuples de différents pays attachés à un monde pacifique et prospère.